À l'occasion du 23e anniversaire du décès du président Kim Il-sung, ont eu lieu respectivement meetings de souvenirs, séminaires sur ses exploits, expositions de livres et de photos et cérémonies de parution de livres au Népal, en Italie, en Norvège, en Suède et en Angola. Y ont été exposées les photos sur la vie et les exploits révolutionnaires impérissables des camarades Kim Il-sung et Kim Jong-il, sur les activités révolutionnaires du dirigeant suprême Kim Jong-un, ainsi que les œuvres classiques des grands hommes Baek-tusan, les livres et photos présentant les brillants succès du peuple coréen dans l'édification d'une puissance socialiste. Ils préparent les personnalités de divers milieux et autres habitants des pays hôtes. Les cérémonies déroulées en Norvège et en Suède ont adopté une lettre et un message à l'adresse du dirigeant suprême coréen.